Chapitre 3e. Certes, madame, Pigeot n'est pas une bête parfaite. Il a le garrot sensible et répugne à donner le premier coup de collier. Mais une fois lancé, on ne peut plus l'arrêter. Hé hé, il ressemble à son maître, et c'est pourquoi nous nous aimons, Pigot et moi, malgré nos défauts. Tout heureux de cette saillie, M. Haussmann de Préfontaine emplit de son large rire le salon où il causait avec M. et Mme la Tremblay en attendant le dîner. Très grand et membré à l'avenant, Haussmann avait une voix de stentor, des cheveux plantés de rue sur un front de taureau et la barbe en éventail. Bien qu'il eût 25 ans sonné, son teint frais, ses gros yeux humides et son excessive gaucherie lui donnaient l'air ingénu d'un adolescent qui a démesurément grandi pendant sa dernière année de collège. La bonté et la confiance se lisaient sur son visage quand rien ne faisait rougir. Il y avait dans l'ensemble de ce géant quelque chose qui rappelait la lourde et indulgente bonhomie de ces gros chiens des Pyrénées, si terribles d'aspect et si doux de caractère. Ses mains et ses pieds semblaient l'embarrasser considérablement. Il n'en savait que faire, et tentait pour les dissimuler des efforts qui ne servaient qu'à attirer l'attention sur ses malencontreuses extrémités. Dès qu'il apercevait ses chaussures, ornées pour la circonstance de guêtres de piquet, dont la blancheur crue tirait l'œil, il se hâtait de les renfoncer sous le siège de son fauteuil. Puis, comme elles étaient mal à l'aise, il finissait par les délivrer de leur prison et par les croiser modestement l'une sur l'autre. Il n'interrompait ce travail que pour jeter à la dérobée de timides regards vers la porte par où devait rentrer Raymonde. Elle parut enfin, demi-souriante et demi-sérieuse, la taille bien prise dans une robe de toile, la tête environnée comme d'une auréole par ses cheveux roux légèrement crêpés. Le dîner était servi, Préfontaine offrit le bras à Madame Clotilde, et l'on passa dans la salle à manger, dont les fenêtres ouvertes apportaient au dîneur une fine senteur de chèvrefeuille, mêlée à l'odeur plus pénétrante des foies récemment fauchées. Trompant les crins de Madame la Tremblay, Raymonde s'étudia à mettre une sourdine à ses espiègleries habituelles. Réservée, presque silencieuse, elle retenait sur ses lèvres les saillies d'enfant terribles que provoquaient d'ordinaire les naïves réflexions d'Haussmann. La contrainte qu'elle s'imposait donnait à sa figure une expression mystérieuse et piquante qui fut un nouveau charme pour M. de Préfontaine. Deux ou trois fois, ses yeux cherchèrent ceux de la jeune fille et furent étonnés de rencontrer un regard qui n'avait rien de moqueur. Elle écouta une longue histoire de chasse sans l'interrompre une seule fois, et au dessert, comme Haussmann s'extasiait sur la beauté d'une corbeille de fleurs placée au centre de la table, Raymonde poussa l'amabilité jusqu'à y prendre un bouton de rose et à le fixer elle-même à la boutonnière du géant. Madame Clotilde n'en pouvait croire ses yeux. M. la Tremblay souriait silencieusement et Préfontaine, dans son ravissement, but coup sur coup de verres de vieux Bourgogne qui achevèrent de lui procurer une douce griserie. Après le café, Raymonde et sa mère, laissant les deux hommes fumer leurs cigares, regagnèrent le salon et quelques minutes après, les sons du piano touchés par la jeune fille arrivèrent mollement jusqu'aux oreilles d'Haussmann. Il avait enfin réussi à mettre ses jambes à l'aise et se creuser la tête pour entretenir une conversation que M. la Tremblay laissait s'éteindre à chaque instant. Préfontaine trouvait ce soir-là au piano des sons d'une mélodie charmante, et il manifestait sa joie en battant la mesure à contre-temps. Pourtant, s'il eût été plus au courant de la musique contemporaine, l'air choisi par Raymonde aurait dû lui inspirer des craintes. Elle jouait avec une expression singulièrement ironique un motif d'une opérette en vogue dont les paroles, s'ils avaient été connues d'Haussmann, l'auraient prodigieusement ébahi. C'était l'air de la Grande Duchesse. Dites-lui qu'on l'a remarqué, distingué, dites-lui qu'on le trouve aimable. Une jolie musique, murmura Préfontaine en dodelinant de la tête. Je ne suis pas connaisseur, mais je n'ai rien entendu qui m'ait fait autant de plaisir. M. la Tremblay, qui connaissait l'opérette et flairait une nouvelle espièglerie de Raymonde, avait d'abord froncé le sourcil, mais voyant l'air naïvement émerveillé de son compagnon, il se rassura et s'inclina en signe d'assentiment. Une à une, les notes s'envolèrent railleuses, câlines, vibrantes, et emportaient avec elles la raison d'Haussmann de Préfontaine. Dites-lui que s'il le voulait, on ne sait de quoi l'on serait capable. Haussmann se leva, jeta son cigare, et hasarda quelques pas dans la direction du salon. À la fin, n'y tenant plus, il regarda M. la Tremblay d'un œil si suppliant que celui-ci eut pitié de son impatience. « Mon cher monsieur, murmura-t-il, ne vous embarrassez pas de moi. La musique me plaît mieux d'un peu loin. Allez, je ne vous retiens plus. » Préfontaine n'avait pas attendu la fin de ses paroles pour ouvrir la porte. Il se dirigea rapidement vers le salon dont le séparait la bibliothèque. Mais on n'est pas haut de 6 pieds et taillé en proportion sans avoir le pas lourd, surtout lorsqu'on est chaussé de forts brodequins fabriqués par le maître cordonnier de la Mergel. Raymond distingua de loin ce pas retentissant sur le parquet sonore. Elle eut le pressentiment d'un long et inquiétant tête-à-tête ménagé entre elle et son colossal amoureux. Brusquement, ses doigts s'arrêtèrent sur le clavier, et sans écouter les observations de sa mère, elle s'enfuit dans le jardin avec lequel communiquait le salon. Lorsqu'Osmain entra timidement, le piano ouvert vibrait encore, mais la musicienne s'était envolée. Il ne restait plus que Madame Clotilde étendue dans un fauteuil en train de feuilleter un journal de mode. La figure de Préfontaine s'allongea et prit une si comique expression de désappointement que la dame ne put réprimer un sourire. « Ce n'était pas pour moi que vous veniez, hein ? » s'écria-t-elle. Elle lui fit signe de s'asseoir près d'elle et continua. « Avouez que vous l'aimez joliment. »« Mon Dieu, oui !» répondit-il après avoir soupiré. « Je l'aime, bien que je reconnaisse n'avoir rien en moi de séduisant. Je suis pauvre, je ne sais pas parler et j'ai une taille ridicule. » « Vous êtes trop modeste, cher voisin, » interrompit Madame la Tremblay. « Avec votre nom et votre situation dans le pays, on peut prétendre aux parties les plus huppées. Voulez-vous que je vous parle franchement ? Eh bien, si vous aimez Raymonde, osez-le lui dire, plaidez-vous même votre cause, et vous réussirez. Seulement, seulement ?» répéta-t-il d'une voix anxieuse. « Qui sait ? Lorsqu'il faudra conclure, les difficultés viendront peut-être de votre côté et non d'une autre. Quelles difficultés ? Se récria Haussmann. « Ah, chère dame, vous ne savez pas à quel point je l'aime. Je serais où m'a déraciné la forêt de Vivet tout entière, si elle se dressait pour m'empêcher d'épouser Mademoiselle Raymonde. » « Il ne s'agit pas de déraciner une forêt, » répliqua-t-elle avec un sourire insinuant. « Mais enfin, il vous faudra sauter à pieds joints sur certains préjugés de famille et de naissance auxquels, dans votre monde, on a coutume d'attacher une importance exagérée, et cela vous sera peut-être plus difficile que vous ne pensez. » « N'est-ce que cela ? » dit-il avec un large éclat de rire. « Oh, je ne suis pas entiché de ma noblesse, au point de m'imaginer que je me mésallie en épousant une jeune fille qui n'a point de particules. D'ailleurs, je n'ai d'autre parent qu'un vieil oncle, fort indulgent en pareille matière, car il s'est marié avec sa servante. » Cette réponse parut mettre Madame la Tremblay beaucoup plus à l'aise. Elle poussa un soupir de satisfaction et reprit « En ce cas, mon cher ami, « permettez-moi de vous répéter que vous êtes trop réservé avec Raymonde. Les femmes aiment les audacieux. Lui avez-vous déjà parlé de votre amour ?»« Jamais, » s'écria-t-il. « Je ne me laisserai pas permis sans votre autorisation. Eh bien, je vous donne carte blanche. Parlez dès ce soir et menez les choses rondement. Vous verrez que vous n'aurez pas à vous en repentir. » « Mais, » murmura Haussmann, effrayé et un peu choqué, « Mademoiselle Raymonde ne trouvera-t-elle pas cette ouverture trop brusque ?» J'aurais désiré qu'elle fût mieux préparée à m'entendre, et j'ai peur d'être mal reçue. » Madame Clotilde le vit décontenancé et perplexe, et avec cette hardiesse qui formait la trempe de son caractère, elle résolut de frapper un dernier coup, destiné à terminer les hésitations de l'honnête garçon dont elle voulait faire son gendre. « Quel amoureux transi vous êtes !» s'exclama-t-elle en haussant les épaules. Elle alla vers Haussmann qui se promenait de long en large dans le salon où glissaient les premières ombres du crépuscule. « Tenez, » continua-t-elle en le prenant par le bras, « Raymonde est au jardin. Allez la rejoindre et dites-lui ce que vous dictera votre cœur. » Elle avait conduit jusqu'au bord des massifs où les pétunias répandaient dans la nuit leur odeur de girofle et quand Préfontaine se retourna pour lui répondre, elle avait déjà regagné la maison. Le grand garçon resta un moment pensif, secoua ses épaules, tira un long soupir du fond de sa poitrine et contourna rapidement la pelouse assombrie. Ils furent à vainement dans les allées qui s'enfonçaient, mystérieuses, sous des bosquets de sorbiers et d'arbres verts. Il visita le potager, la serre et le verger, personne. Comme il longeait une dernière allée riveraine du mur de clôture, il vit que la petite porte donnant sur les bois était restée entr'ouverte. « Bon, » pensa-t-il, « l'espiègle aura pris la clé des champs. » Et poussant lui-même cette porte entrebâillée, il s'engagea dans un sentier étroit et rapide, qui escaladait le coteau parmi les bouquets de trembles et d'alisiers. Il avait allumé un cigare et cheminait lentement, n'étant point fâché de se trouver un moment seul et de réfléchir à son aise aux singuliers conseils de Madame Clotilde. Le bon Haussmann avait l'intelligence lourde et il lui fallait longuement ruminer les choses avant de se les assimiler. Ce que venait de lui dire l'avait plutôt refroidi qu'encouragé. Ce n'était pas qu'il fût collé monté, ni qu'il eût des principes rigides. Son éducation avait été toute rustique. Il avait perdu sa mère de très bonne heure. Son père, en vrai gentilhomme campagnard, passait sa vie à la chasse ou au jeu, et l'avait abandonné jusqu'à 10 ans aux soins des domestiques. Un curé de village, chargé de son instruction, avait à grand-peine dégrossi son esprit opaque. Dès l'âge de 15 ans, les façons et les mœurs d'Haussmann s'étaient modelées sur celles des fermiers et des chasseurs avec lesquels il frayait. Il ne s'effarouchait nullement d'une mésalliance, et si le cœur lui en avait dit, il aurait sans scrupule épousé la fille d'un bûcheron ou d'un charbonnier. Mais il avait la méfiance instinctive du paysan, et il trouvait je ne sais quoi de louche et d'inquiétant dans cette hâte avec laquelle Madame Clotilde lui jetait pour ainsi dire sa fille à la tête. Sa future belle-mère ne lui revenait qu'à moitié. Pourtant, quand le cours de ses réflexions ramenait dans son cerveau l'image de Raymonde avec sa magnifique chevelure, son corps souple, ses beaux bras attirants, il se sentait remué des pieds à la tête, sa gorge se serrait, et il était empoigné par un violent désir de posséder à lui tout seul cette éblouissante fleur de beauté. Après tout, se disait-il, on n'épouse pas la famille. Une fois que Raymonde sera ma femme, nous vivrons chez nous et ne verrons les La Tremblay qu'aux fêtes carillonnées. Je me trouve ridicule, ma parole. Il semblerait, à me voir faire le pointilleux, que je n'ai plus qu'à tendre la main pour emmener Raymonde chez moi. Mais, triple niais, songe donc combien elle est élégante, fine, spirituelle, une vraie duchesse. Sais-tu seulement si elle voudrait d'un rustre comme toi ? Il en était là de ses réflexions quand il heurta du pied une souche à demi déracinée, et relevant la tête, il s'aperçut qu'il était arrivé à un large pâtis parsemé de touffes de genévrier et encadré dans les bois. « Diantre, murmura-t-il, nous voici déjà au champ carré, et point de Raymonde. » Le ciel fourmillait d'étoiles. Sur l'horizon plus clair, les lisières immobiles de la forêt détachaient leurs masses sombres. À gauche, du côté de la gorge de Vivet, le bruit du ruisseau montait avec des sons flûtés, et de blanches buées traînantes, indiquant le cours de l'eau, ondulait comme une gaze parmi les bouleaux au feuillage frémissant. Les regards d'Haussmann fouillaient vainement la grise étendue de la friche. Tout à coup, il poussa un grognement de surprise et s'arrêta net, tandis qu'un léger frisson courait le long de son épine dorsale. À 200 pas environ, vers l'endroit où les buées commençaient à raser la pelouse, une lueur rouge dansait derrière des genévriers, et s'enlevant en noir sur cette rougeur, une svelte silhouette humaine agitait sa tête, couronnée d'une auréole de petites étoiles phosphorescentes. Haussmann, superstitieux comme un franc paysan, songea tout d'abord au Fouelteau, ce lutin de la montagne langroise, et ne put réprimer un mouvement d'instinctive frayeur. Comme il était brave au demeurant, il eut raison de cette première sensation de malaise et s'avança d'un pas délibéré vers les lueurs mystérieuses. Il n'était pas à moitié du chemin que l'aboiement d'un chien l'avait déjà ramené en pleine réalité. En même temps, l'étrange silhouette couronnée d'étoiles s'était approchée de lui et il reconnut Raymonde. La coquette fille avait tout simplement niché dans ses cheveux une dizaine de vers luisants qui continuaient de jeter leur feu verdâtre parmi les soyeuses crépelures de ses boucles abondantes. « Gageons que je vous effrayais !» s'écria-t-elle en riant. « Effrayé, non, » répliqua-t-il, « mais troublé, vous êtes belle comme une fée. Venez !» continua-t-elle, « j'étais en train de me faire tirer la bonne aventure. Croyez-vous au sorcier, monsieur de Préfontaine ?» Elle l'amena encore tout ébahie près d'un feu de pâtre, où se tenait enveloppé dans sa limousine un paysan maigre et dépenaillé, dans lequel Haussmann reconnut le berger de Vivet. « Eh, c'est Trinquesse !» dit-il en riant à son tour. « Bonsoir, vieux. Les juges de Langres ne vous en ont pas encore dégoûté de votre métier de sorcier ?» Le berger souleva son feutre à large bord et imposa en silence à son chien. « Les juges ne changeront pas ce qui est, monsieur de Préfontaine, » murmura-t-il, tandis que sa face plissée de rides grimaçait un sourire et que ses petits yeux malins dévisageaient le jeune homme. « Ils n'empêcheront pas les lignes de se croiser dans le creux des mains, ni les étoiles de se marier dans le ciel. Et si les signes célestes ont des correspondances avec les signes de la main, qui peuvent les juges ?» Hé, répondez, vous qui êtes un monsieur et qui avez été aux écoles. Voyez-vous, les signes sont muets ou raisonnables suivant qu'on a le don de les faire parler. Et qui possède le don, c'est bien des choses que les juges ne connaîtront jamais. Ha ha! J'ai dit à plus d'un des pensées qu'il croyait enfermées à clé au mi-temps de son cœur. Le fait est, ajouta Raymonde, que Trinquès m'a conté des choses qui me renversent. À votre tour, monsieur de Préfontaine, donnez-lui votre main. Volontiers, répondit-il en s'agenouillant dans l'herbe. Voici ma main, mon brave, et la pièce d'argent blanc avec. Dites-moi, j'aurai ce que je désire. Le berger jeta une poignée de ramis sur le feu qui se ranima, et prenant la large paume d'Osmain, l'étudia minutieusement aux lueurs du brasier. Raymond s'était assis sur une pierre, le front dans ses mains. Autour d'eux, on n'entendait que le lointain murmure du ruisseau et parfois la voix chevrotante d'un mouton qui se réveillait dans le parc voisin et jetait un bêlement plaintif à travers la nuit. « Ouais, commença Trinquès, voici un doigt annulé qui ne portera pas d'anneau de mariage et cette croix sous le mont de Saturne annonce des déboires d'amour. Vous ne vous marierez point, monsieur de Préfontaine. « Plaît-il ? » grogna Osmain, fort mécontent de ses débuts. « Apaisez-vous, poursuivit le berger, vous n'en serez pas plus malheureux. Votre ligne de vie est claire, saine et rubiconde, vous vivrez longtemps en joyeuse humeur, avec bonne table et bon feu. » Raymond éclata de rire. « La peste ! » dit Osmain, humilié de la gaieté de la jeune fille et du peu glorieux horoscope formulé par Trinquès. « Vous n'y entendez rien, vieux farceur, et je suis bien bon d'écouter vos dailleries. » Il se fait tard, mademoiselle Raymonde, si nous laissions le bonhomme à ses moutons. Raymonde fit un signe d'acquiescement et il prit congé de Trinquès. La jeune fille, relevant avec un joli geste ses longues jupes qui traînaient dans la rosée, se mit à marcher d'un pas net et bien détaché, serrant autour de sa taille cambrée un petit châle de laine et redressant avec crânerie sa tête toute scintillante de vert luisant. Osmain se tenait silencieusement à son côté, d'un air déconfit, mâchonnant entre ses lèvres un brin de sauge arraché au gazon pendant la consultation du berger. Le malencontreux pronostic de Trinquès avait troublé le bel ordre du discours qu'il s'était proposé d'adresser à Raymonde, et il ne savait plus par où commencer. Pour achever de l'intimider, la lune se leva au-dessus des bois et jeta des nappes bleuâtres sur la friche du champ carré, où les grillons poussaient en chœur leurs petits cris qui semblaient à Osmain autant de grêles éclats de rire. « Cette grande clarté ne me va pas, pensa-t-il, je parlerai quand nous serons sous bois. » Quant à Raymonde, rassurée par la réserve de son amoureux, elle avait repris tout son aplomb. « Vous êtes taciturne, dit-elle à Osmain. Moi, tout au contraire, cette lune me met en gaieté. La nuit, dans les bois, toutes les vieilles chansons de ma nourrice me reviennent aux lèvres. Il faut que je chante. » Et brusquement, elle entonna de sa voix chaude et vibrante une ballade rustique qui rendit un peu de courage à Préfontaine. Ses dernières hésitations se fondaient à mesure que les paroles s'envolaient dans l'air sonore. C'était un vrai chant de sirène, et Osmain eut suivi jusqu'au bout du monde la charmeuse qui lançait d'une voix mordante et pourtant si câline ses quatre vers. L'amour, l'amour qu'on aime tant, est comme une montagne haute. On la monte tout en chantant, on pleure en descendant la côte. Ils descendaient, eux aussi, la rampe qui aboutissait à la porte du jardin. À chaque pas se raccourcissait le terme de la promenade, et à mesure diminuait la chance qui avait été donnée à Osmain de déclarer ce soir-là son amour. « N'est-ce pas que c'était réjoli ?» murmura la chanteuse, enlevant vers son colossal compagnon sa tête ébouriffée, où les vers luisants ne jetaient plus qu'un éclat affaibli, mais où, en revanche, deux yeux ensorcelants étincelaient au clair de lune. Osmain ne put résister à ce regard. Il fit une brusque volte-face et s'adossant à un poirier sauvage qui avait poussé au beau milieu du sentier. « Mademoiselle Raymonde, commença-t-il d'une voix étranglée par l'émotion, je vous aime bien, et malgré ce qu'a dit ce vieux fou de berger, je me crois l'étoffe à faire un bon mari. Auriez-vous de la répugnance à vous appeler Madame de Préfontaine ?» Elle recula, visiblement décontenancée par cette déclaration à brûle-pourpoint, baissa les yeux, regarda entre ses cils la mine anxieuse de ce grand garçon qui lui barrait le passage et dont le visage était illuminé par un rayon de lune, puis elle se mordit les lèvres et chercha s'il n'y aurait pas moyen de fuir en se lançant en plein taillis. Mais de chaque côté le fourré était épais et Osmain tenait toute la largeur du sentier. Il fallait répondre et elle demeurait sans voix. « Vous gardez le silence, » murmura-t-il. « Ma brusquerie vous a effrayé. »« Un peu, » répliqua-t-elle, en essayant de plaisanter. « C'est la première fois qu'on m'honore d'une pareille demande, et j'en suis tout ébobie. »« Je sais mal m'y prendre. Je redis vous dire d'abord que madame votre mère connaît mon désir et que c'est avec son agrément que je me permets de vous poser cette question. » Comme elle restait silencieuse, il reprit. « Je conviens que c'est hardi de ma part. Je ne suis pas un parti brillant, et je ne m'abuse pas sur mes avantages personnels. » Cet humble et honnête aveu eût mérité au moins un mot aimable. Raymond le sentait, et rien ne lui venait aux lèvres qu'une petite moue boudeuse qui lui allait d'ailleurs à ravir. Elle roulait et déroulait autour de ses mains les bouts de son châle de laine. « Je suis gauche et déplaisant, » soupira Haussmann, désappointé. « Je ne dis pas cela, » s'écria-t-elle enfin après un long effort. « Mais je n'ai jamais songé au mariage. Il me semblait toujours que j'aurais bien le temps d'y penser quand je serais plus vieille. « À 50 ans, par exemple, » fit-il avec un gros rire. « Non, mais dans une couple d'années, ou plutôt. Après tout, j'ai 18 ans à peine. Rassurez-vous, » murmura-t-il mélancoliquement, « je ne veux point vous mettre le pistolet sous la gorge. Je vous donnerai du temps. Dites-moi seulement que vous essayerez de vous apprivoiser à l'idée d'être ma femme, si étonnant que cela vous paraisse tout d'abord. » Elle le regarda de nouveau entre ses longs cils, et le voyant carrément accoté à son arbre, bien résolue à ne point bouger avant d'avoir reçu satisfaction, elle poussa un soupir. « De sorte, » insinua-t-elle, « que si je consentais à essayer, vous me laisseriez le temps de la réflexion, je vous le promets. » Et ensuite, poursuivit-elle, avec un provoquant sourire, si après avoir tout fait pour essayer, je ne me décidais pas. Haussmann baissa le nez sans répondre. Vous ne manqueriez pas, s'écria-t-elle, de le crier sur les toits et de me traiter de fiefée coquette. Non, dit-il en relevant bravement la tête, je maudirais ma mauvaise chance et je m'éloignerais, vous aimant et vous estimant toujours. Les yeux de Haussmann étaient devenus humides. Raymonde semblait touchée et impatientée à la fois. Elle battait nerveusement la terre du talon de sa bottine. « Je vous ennuie, » fit piteusement Préfontaine. « Vous voudriez bien être débarrassée de moi. »« Non, seulement il est tard et on sera inquiet à la maison. »« Pardon d'avoir si mal choisi mon heure, mais je souffrais trop de me taire. »« Vrai, j'en maigrissais. » Elle sourit et mesura la haute carrure du géant d'un regard malicieux qui semblait dire « Il n'y paraît guère. » Je n'ai pas eu le courage d'attendre à demain, continua-t-il. J'ai voulu connaître ma sentence dès ce soir, et avec tout cela, je ne la connais pas. Je ne sais pas encore si vous m'aimez un peu ou si vous me haïssez. Je ne vous hais point, répliqua-t-elle, tout comme Chimène, mais avec moins d'enthousiasme. Son embarras redoublait. Haussmann avait fait un pas en avant et avait saisi les doigts de la jeune fille dans sa forte main. Dites-moi oui ou non, murmura-t-il. En sentant ses doigts prisonniers dans ceux du sentimental Préfontaine, elle jeta à droite et à gauche un regard désespéré. Incertaine de ce qui allait suivre, effarouchée, agacée, elle marmotta précipitamment. « Eh bien, oui, oui !» Et profitant de ce qu'Haussmann, en se déplaçant, avait laissé un petit espace libre entre l'arbre et le taillis, elle lui glissa les doigts comme un lézard, déballa rapidement jusqu'au bas de la rampe et saisit en toute hâte la poignée de la petite porte. Pourtant, voyant sa retraite assurée, elle eut comme un remords de sa cruauté, et avant de disparaître, « J'essaierai !» s'écria-t-elle de sa voix vibrante. « À demain !» Et la porte se referma.